larbre, tu sais que j'suis fatigué de courir. Ça en est rendu un cauchemar, mais j'suis pas en train de dormir. À force de me défouler, ma voix subit une instinction. J't'envoie d'instinction, tu veux savoir pourquoi? C'est rare le monde qui pense aux autres, à ce temps sont axés sur le moi. J'ai pas envie de faire comme le papy d'être toujours sur mon 36. Si tu y coupes la queue, dans le fond, c'est juste une poule qui triche. Caché derrière de belles couleurs pour nous faire oublier sa personnalité. Car les coups bas faits à mon égard, je m'en rappelle longtemps. Je suis rancunier, en plus j'ai une mémoire d'éléphant. Je suis peut-être pas considéré comme un cheval pur sang, mais j'ai une tête de mule, je recule pas facilement. Mettait des chats, des chiens ou des vaches. Ce que j'ai eu comme réponse, une claque d'en face. Plus tard j'ai compris. J'ai su aussi qu'un ami qui t'arnaque, c'est juste un rapace. Puis qu'un hypocrite, c'est un loup déguisé en mouton qui aussitôt le dos tourné te mord au bras. Et moi dans tout ça, on dit que je suis un drôle de moineau parce que je pense trop. Ok, dernier point, après c'est tout. C'est que je suis tanné que l'argent possède autant les gens. L'image qui s'en dégage me fait penser au jour où j'ai vu hurler des cochons voulant des trognons de pommes. Depuis ce jour-là, je me demande est-ce que c'est ça être un homme. Animaux qu'on a oubliés, fameux alligators, la tortue des îles Galapagos, yeah.